Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Brereto, markemdanarchive.org. D'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Préface de l'auteur. Le présent traité a été ébauché pour la première fois à Saint-Wilfrid, pendant l'été de 1847, il y a plus de 10 ans. Il a cependant été, depuis, plusieurs fois revu et plus d'une fois refondu entièrement. Néanmoins, sa forme actuelle n'a pas été définitivement arrêtée avant le printemps de 1853, car, jusqu'alors, l'auteur n'était pas certain que ses idées sur la Sainte Vierge fussent exactement conformes à celles d'une rigoureuse théologie. Il y a quelque temps que ce traité, complètement achevé, est entre les mains de l'auteur. L'état de préparation dans lequel étaient ses matériaux pour un ouvrage sur la Passion lui faisait une nécessité de reconnaître d'abord quelle partie de ce sujet serait destinée aux douleurs, et de quelle manière, et il a jugé qu'il vaudrait mieux composer d'abord et livrer à l'impression le volume qu'il offre aujourd'hui au public, avant de continuer d'écrire son ouvrage sur la Passion, afin que l'harmonie définitive entre les deux livres pût être plus complète. Mais, comme le temps n'était pas encore arrivé de publier le livre des douleurs, à la place qui lui avait été d'abord fixée dans la série des ouvrages projetés par l'auteur, ce livre avait été mis de côté jusqu'à ce que son tour fût venu. Il y a maintenant 12 ans que l'auteur est devenu membre de l'ordre ancien des Servites, et qu'ainsi il se trouve obligé d'encourager, autant qu'il est en lui, la dévotion aux sept douleurs, et il n'a jamais oublié cette obligation. Quand l'oratoire de Londres fut fondé, en 1849, le rosaire des sept douleurs fut adopté comme l'une de ses pratiques publiques et caractéristiques, et d'autres moyens furent employés avec succès pour propager cette dévotion. Il y a lieu de croire que les grâces et les bénédictions ont accompagné l'humble apostolat de cette pratique si chère à notre Sainte Mère. Nous soumettons le présent traité, avec une grande défiance, au jugement de ceux qui aiment l'honneur de la Sainte Vierge et l'accroissement de son culte. Nous avons, toutefois, l'espoir qu'ils éprouveront, en le lisant, moins de déception que l'auteur n'en a éprouvé en l'écrivant, qu'ils ne seront pas poursuivis, comme il l'a été sans cesse, par un idéal impossible à atteindre, et qu'ils ne ressentiront pas la peine qu'ils ressentaient lorsqu'après avoir parlé de Marie le mieux qu'il lui était possible, ils craignaient toujours d'en avoir si mal parlé, qu'il lui semblait qu'il eût été préférable de n'en rien dire du tout. La pensée de l'amour qui a inspiré ses efforts est cependant une sorte de compensation pour l'imperfection des résultats qu'il a obtenus. Oratoire de Londres. Fête de Saint Thomas de Canterbury, 1857.